Ardèche, été 1973. Où t'arrives enfin? Avec lui, les vacances de Faustine. Cette fois, elle a choisi l'Ardèche comme destination. Un camp pour jeunes de 16 à 18 ans. Un séjour prometteur avec, au programme, de la spéléologie, du vélo, de la natation, de la varappe et surtout, en point d'orgue, la descente des gorges de l'Ardèche en canoë-kayak la dernière semaine. Un autocar attend les campeurs à la gare de Montélimar. Il est déjà bondé de jeunes quand Faustine arrive avec sa lourde valise, immédiatement prise en charge par un gentil organisateur. L'accueil est chaleureux, l'ambiance détendue, aux antipodes du climat prétentieux des vacances de ski de l'hiver dernier. Ici, pas de poupée Barbie, pas de petits branleurs à grosses chaînes dorées et à lourdes chevalières. À l'exception de Faustine, les participants viennent tous du nord de la Loire. À première vue, ils n'ont pas l'air de se la jouer. Faustine sympathise tout de suite avec Catherine, mignonne blondinette, venue s'asseoir à côté d'elle. En une petite heure, on arrive à Saint-Martin, dans la périphérie de Vallon-Pont-d'Arc. Faustine et ses compagnons logeront à l'école du village. Pour l'heure, tout le monde se rassemble dans la salle des fêtes. Georges et Martine, les directeurs, donnent quelques consignes générales et explique le principe de l'auberge espagnole. En gros, chacun trouvera ici ce qu'il y aura à porter. Par conséquent, les adolescents sont invités à décider eux-mêmes de leurs activités, au gré de leurs envies, et à se mettre d'accord, les adultes se chargeant ensuite de l'organisation et de la logistique. Faustine verra plus tard que ce n'est pas une sinécure. Les timides ados ayant toujours beaucoup de mal à s'exprimer, surtout devant leur père. Dans l'immédiat, la question ne se pose pas. Tout le monde est convié dès le lendemain matin, au bord de l'Ardèche, pour une évaluation des compétences en natation. Après ce discours de bienvenue, on passe à la visite des installations. Dans la cour s'érigent deux immenses tentes militaires, une pour les filles, l'autre pour les garçons. Comme les participants sont très nombreux cette année, des dortoirs sont également installés dans le bâtiment de l'école. Les sanitaires se trouvent juste derrière celui-ci. Aux jeunes d'organiser les horaires des douches, garçons et filles, de sorte à ménager l'intimité et la pudeur de chacun. Les repas seront, sauf en cas de pluie, servis sur de longues tables dressées dans la cour. Et maintenant, quartier libre jusqu'au dîner pour choisir votre couchette et vous installer. Faustine et Catherine décident prudemment d'aménager dans le dortoir en dur. Elles n'ont pas trop confiance dans le confort des tentes. Sitôt déposées leurs affaires sur leur couchette côte à côte, elles décident de s'offrir un apéro avec leur compagne de chambre. Dans le bistrot d'en face, Faustine s'initie au diabolomante. Personne ne fume ni ne boit d'alcool. Par contre, qu'est-ce qu'elle parle? La jeune fille comprend, en écoutant avec passion, qu'elle a du retard à rattraper par rapport à ses filles plus dégourdies qu'elle, plus ouverte au monde, plus instruite. Toutes sont avides de profiter de ces vacances. Pour beaucoup, ce seront les dernières de leur enfance. Après le dîner et une longue soirée, les deux amies se retirent dans leur dortoir pour poursuivre leur confidence avant de s'endormir au petit matin, vaincues par la fatigue. Elles se sont confiées leurs rêves les plus secrets, leurs désirs, leurs craintes, leurs préoccupations et leurs attentes. Les valeurs aussi qu'elles souhaitent cultiver et transmettre un jour à leurs enfants. Elles n'en reviennent pas d'être du même avis sur tant de sujets différents. Au matin, pain frais, exquises tranches de melon bien mûres, pichets de lait et bols remplis d'un fabuleux miel crémeux attendent sur les tables à l'ombre des platanes. Le soleil est déjà chaud. Plus tard, comme prévu, séance de natation. Tout le monde doit traverser l'Ardèche. La rivière n'est pas très large à cet endroit. Les moniteurs sont conscients que peu de ces jeunes citadins ont l'habitude de nager, contrairement à Faustine qui se paye le luxe de la traverser sous l'eau et jaillit dans son bikini tout neuf. « Oh, une sirène !» s'exclame le plus sexy des JO. Faustine rougit et rigole. Pour une fois que c'est elle qui est jolie, elle a bien l'intention d'abuser de la situation. Finalement, le rôle de poupée Barbie n'est pas si désagréable si on l'agrémente d'un minimum de cervelle et d'humour. Ne reste plus qu'à trouver le ken de l'été. Justement, en soirée, elle se laisse inviter par Philippe pour une balade en bande. 17 ans, blond et beau comme un jeune dieu, il vient de Versailles, comme Louis XIV, un autre héros de Faustine. L'an passé, il a participé au camp avec sa sœur aînée. Il a tout vu, il connaît tous les endroits intéressants de la région, et notamment, il sait où on peut aller danser. Ce soir-là, ils feront simplement mieux connaissance et se promèneront d'un bistrot à l'autre de Vallon-Pont-d'Arc. De retour au camp au petit matin, Faustine tombe sur une Catherine en larmes et inconsolable. Invitée par un moniteur, elle lui a cédé dès le premier soir avec une facilité déconcertante, perdant en même temps que sa virginité son estime d'elle-même. Faustine est très triste pour son amie. Radicale et entière comme on l'est à 17 ans, elle cherche longuement des solutions qui aideraient son amie à ne plus retomber dans les filets du vilain guicheur. Opter pour une attitude froide et distante, voire haineuse, semble la meilleure stratégie que Catherine met en pratique illico presto. Sans doute aux grandes dames du jeune séducteur qui n'aurait peut-être pas été contre une jolie romance à durée indéterminée. Les jeunes filles ne le sauront jamais. Elles ne lui ont pas laissé une seule chance de se montrer sincère. Catherine se console vite avec d'autres amis, pendant que Faustine, fort occupée par ses amours naissantes avec Philippe, déménage dans la grande tente et la perd de vue. Sur le pick-up de la salle des fêtes, toutes fenêtres ouvertes, Barbara chante Aigle noir en boucle. Il ne parle pas vraiment d'amour, non? Ou alors un coup de mise en boîte et de chamaillerie, comme des petits chiens fous. Mais d'entrée, Philippe prend Faustine sous son aile, ce qui la protégera efficacement de la concupiscence des autres jeunes mâles. Bien que le jeune homme lui ait dit qu'il a une amoureuse à Versailles, qu'il baise sans histoire, il ne harcèle pas Faustine. Il trouve juste que c'est dommage qu'elle ne veuille pas tenter l'expérience, parce que finalement c'est sympa, mais après tout, c'est elle qui y perd le plus. Il accepte donc de ne pas dépasser le stade de la tendresse et se contente de chastes baisers quand ils s'endorment l'un à côté de l'autre dans leur lit de camp. Faustine est la seule fille admise, incognito quand même, à dormir dans la tente des garçons, quand ils dorment, ce qui n'arrive pas souvent. La première semaine, ils sont toute une équipe de joyeux lurons à sortir chaque soir. Soit ils écument les bals des environs, soit ils chantent autour d'un feu accompagnés à la guitare. Sur les bords de l'Ardèche, cette année-là, on entend beaucoup de Johnny Hallyday dans les portes du pénitencier. La journée, ils participent aux activités proposées. Ainsi, Faustine a l'occasion de pratiquer l'escalade. Elle adore grimper sur le rocher, chercher les interstices, trouver les prises, profiter de la moindre faille dans la pierre. Avant d'arriver au sommet, il y a un dévers qu'elle franchit avec succès. Ensuite, enfiler le baudrier, s'attacher à la corde, se projeter dans le vide, descendre en rappel. Même s'il n'y a que quelques dizaines de mètres à franchir, voilà une expérience épatante. Une autre fois, ils expérimentent la spéléologie. Et là aussi, l'aventure est merveilleuse. La grotte choisie, dépourvue d'installations touristiques, n'est pas très profonde. Ils descendent par des échelles de cordes, s'éclairant de leurs lampes frontales. Ils rampent dans d'étroits boyaux jusqu'à des salles où il est possible de se tenir debout. Les concrétions rocheuses, stalactites, stalagmites, sont féeriques. Bien sûr, ce n'est pas la grotte Chauvet, découverte quelques 21 ans plus tard. Mais pour Faustine, l'expérience répétée 2 ou 3 fois pendant ses vacances restera gravée. Les jours sans activité programmée, Faustine se charge des occupations. Il y a ici toutes sortes de possibilités. Elle commence un collier de perles miniatures hyper compliqué qu'elle ne finira pas mais gardera des années. Elle accompagne Brigitte, la jeune mère célibataire préposée à la cuisine, lors de ses courses. Elle a ainsi l'occasion d'entrer chez un grossiste. Sensationnel, ces emballages pour collectivité. Ça lui donne envie de se fournir et de prendre la responsabilité d'un petit éventaire de friandises intramuros. Quand elle ne mange pas son fond, Faustine gère la caisse d'argent de poche de ses jeunes compagnons. Elle aurait bien aimé avoir l'avis de Philippe sur le contre-exemple donné par une mère célibataire aussi aimable soit-elle, dans un camp de jeunes de cet âge. Elle trouve également que les directeurs, passablement pris par leurs petites filles, ne sont pas très présents. Ils laissent souvent les jeunes livrés à eux-mêmes, ou pire, sous la responsabilité de moniteurs à peine plus âgés qui se permettent de détourner les participantes mineures. Or, Philippe se contente de lui lâcher. « Qui es-tu pour juger ?» Phrase qui l'a fait se remettre profondément en question et longuement réfléchir. C'est vrai finalement, de quoi se mêle-t-elle ? Faustine prend note, mais apprendra fortuitement beaucoup plus tard qu'un tiers des filles sont rentrées chez elle enceintes. Ce n'est pas étonnant, août est chaud, chaud, chaud cette année. Vers le milieu du séjour, une nuit de pleine lune, un seul regard provoquant aura suffi à Faustine la nymphette pour mettre le feu aux poudres et déclencher une mémorable bagarre sur les bords de l'Ardèche. Montée se mettre à l'abri sur un promontoire, la jeune fille compte les points. Pascal, un ami campeur un peu efféminé, venu s'abriter près d'elle, lui demande en plaisantant ce que ça fait d'avoir un tel pouvoir de fouteuse de merde. Faustine rit. Elle, qui avait senti monter les tensions pendant toute la journée, n'est pas étonnée le moins du monde. Il y a des jours comme ça où l'étincelle rencontre l'amadou. Elle se sent d'autant moins coupable qu'elle a bien vu qu'ils avaient besoin de se défouler, tous ces jeunes loups. Elle, une autre tout aussi bien, n'a été que le catalyseur. À eux de prendre leurs responsabilités, et quelques yeux au beurre noir. Il se passera ensuite quelque chose de totalement inhabituel. Pendant 3 jours et autant de nuitées, tous les jeunes du camp, à quelques exceptions près, dorment, vaincus par les nuits blanches et les journées sportives. Faustine est une de ces exceptions. Après 24 heures de sommeil ininterrompu, elle est régénérée et commence à se sentir bien seule. Quelques heures de plus et elle aura le temps de se remettre en question. Après tout, cette histoire de virginité, on en fait vraiment un cinéma pour pas grand-chose. C'est vrai, elle ne peut pas prétendre aimer Philippe et continuer à se refuser à lui. C'est dit, elle lui écrira un mot qu'elle coince contre son oreiller pour lui déclarer qu'elle l'attend près de la rivière avec une bouteille de vin et une surprise. Elle, qui a 17 ans aujourd'hui. Pauvre Philippe. Innocent qui ignore ce qu'il perd et reste bloqué dans les bras de Morphée. Lassé de l'attendre, Faustine change d'avis une nouvelle fois. Puisqu'il fait si peu de cas d'elle, il ne la mérite pas. Elle remballe ses affaires et reprend l'enfilage des perles. C'est moins dangereux. Les vacances touchent à leur fin. Il est temps d'organiser la dernière étape. La descente des gorges à pied ou en kayak sur une 30aine de kilomètres depuis Vallon-Pont-d'Arc jusqu'à Saint-Martin-d'Ardèche. La 40aine de campeurs est divisée en groupes de 8. Chaque groupe doit gérer sa nourriture et ses boissons pour 3 jours. Faire les achats, préparer les pactages, prévoir la logistique. Les équipes qui descendront en canoë traîneront derrière eux, dans l'eau, les produits frais, viandes et saucisses. Évidemment dans des sacs bien étanches. En outre, ils arrimeront solidement, en plus de leurs propres affaires, des sacs avec les marchandises lourdes, boîtes de conserve, condiments. Ceux qui chemineront prendront le reste, en plus de leurs vêtements et sacs de couchage. Ils récupéreront leurs autres effets à l'arrivée. Merguez, cassoulet, ravioli, crème Stalden au chocolat et à la vanille, friandises en tout genre, sans oublier les allumettes et ouvre-boîtes, tout est prêt. Les garçons se targuent de pêcher quelques truites à main nue pour compléter l'ordinaire. Une petite heure de marche les amène au point de location des canoës. On répartit les provisions et les groupes se mettent en route. Faustine est en train de vivre les plus belles heures de ses vacances, éblouie par la beauté de l'endroit. Les plages de sable ou de galets, l'impétuosité de l'Ardèche, les grottes accueillantes, les falaises bruissantes de vie, couverte de végétation, les aigles surveillant leur nid, toutes ces nuances de vert, émeraude, turquoise, amande, malachite, qui se reflètent dans l'eau. La première étape, au bout de 10 kilomètres, réunit tout le monde, près d'une gorge qui surplombe la plage. Les garçons décident de pêcher quelques truites pour le souper. ils y parviennent contre toute attente, malgré leur inexpérience. Seulement, au moment de dépecer et vider, ils se défilent. Les autres filles n'étant pas plus intrépides, Faustine s'y colle, traitant tout le monde de mauviette. Faut pas rigoler avec la bouffe, c'est une affaire sérieuse, hein, mais... Après le repas et une soirée de chant au coin d'un feu dans lequel se précipitent des milliers d'éphémères, tous s'endorment à la belle étoile. Réveillés 2 heures plus tard par un orage, ils courent se mettre à l'abri dans la grotte voisine. Même si, quoi qu'on fasse, il y a toujours un caillou ou un bout de bois qui dépasse, une araignée ou deux pour vous tenir compagnie dans le sac de couchage, Faustine ne se serait jamais crue capable de dormir aussi profondément dans ces conditions, encore moins dans une grotte qu'elle suppose hantée de chauves-souris. Il faut admettre que le groupe rassure et stimule. Au matin, on avale vite fait un escafi tiède, puis on reprend le sentier. Après une demi-journée de marche dans des paysages encore plus sauvages et enchanteurs, on se rejoint, on se baigne, on se repose. Quelqu'un signale qu'il faut refaire les réserves d'eau douce si on veut en avoir assez pour la fin du parcours. Philippe et Faustine se proposent. Il y a un point d'eau près du camp de naturistes situé un peu plus haut sur l'autre rive. C'est là qu'on peut s'approvisionner, mais il faut y aller tout nu par respect pour les gens du coin. Qu'à cela ne tienne, nos deux jeunes en tenue d'Ève crapahutent dans les taillis et se retrouvent nez à nez avec une dizaine de papy-mamies correctement vêtues. Les deux candides comprennent un peu tard qu'ils sont victimes d'une mauvaise farce. Ils se dépêchent de redescendre leur bidon rempli sous les regards concupiscents des messieurs et furibards de leur bonne femme. Au soir du 3e jour à Saint-Martin-d'Ardèche, on ramène les canoës. On redevient civilisé. L'autocar, en une demi-heure, reconduit tout le monde à Montélimar. De là, après des adieux déchirants, les jeunes s'éparpillent aux 4 points cardinaux. Philippe remonte dans le nord. Faustine descend dans le sud. Le beau roman, la belle histoire, se termine. Elle a son train vers 18h, Philippe à 20h. Bien sûr, ils veulent rester ensemble le plus longtemps possible, même s'il ne leur reste plus qu'un front à partager. Ils trouvent un bureau de poste, font un appel en PCV. Faustine explique à maman qu'elle a raté son train. Ça devient une habitude. Elle prendra le suivant à 20h30 et sera à Cannes un peu plus tard que prévu. Puis, les amoureux déambulent dans les ruelles de la vieille ville. Quand ils ont faim, ils entrent dans une confiserie pour quémander des échantillons de nougat. Ils en feront leur dîner. Philippe sur le marchepied. La jeune fille. Tu m'écriras? Oui. Bien sûr. Faustine l'embrasse une dernière fois, le regarde s'éloigner, rejoint son train, pleure toutes les larmes de son corps jusqu'à Cannes. Elle sent bien, la tiote, que la liberté qu'elle vient de vivre, elle ne la retrouvera plus de sitôt. L'avenir, le travail, l'école, que tout paraît sinistre après ces semaines de rêve. Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer, et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini.